Vendredi 21 février 2014, vous écoutez La Vie en BD. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et comme à l'habitude, je le dis à chaque fois parce que c'est vrai, c'est un plaisir de vous retrouver ici sur les ondes du 89.1 CKRL pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et cette semaine, deux belles rencontres qu'on vous propose au fil de l'émission. En deuxième partie, on aura le plaisir de discuter avec Diane Obomsawin qui a un peu double charge ce mois-ci, voire triple charge si on inclut également le mois de mars. Alors, je vais vous dire, c'était impératif qu'on passe un peu de temps avec elle, notamment du côté de la bande vidéo. Ici à Québec, elle offre une installation qui s'appelle La Forêt, qu'elle a réalisée entre autres en résidence de ce côté. Donc, une forêt imaginaire en plein cœur du centre-ville. Et également, il y a un livre qui a été lancé autour de la Saint-Valentin, donc autour du 14 février dernier, qui s'appelle Unloving Women. C'est chez Drawn and Quarterly. Également, il y aura version française qui devrait arriver, je crois, au cours de mars ou un peu après, du côté de Loie de Cravanne, version française qui s'appellera J'aime les femmes. Alors, un livre sur des relations amoureuses, des histoires d'amour, mais des histoires aussi de première fois, première poignée de main, première prise de main, premier baiser, etc., etc. Donc, au travers des expériences personnelles de l'auteur, ça donne un ouvrage qui est fort intéressant. Alors, on a envie également d'en discuter avec elle. Alors, je le rappelle, ce sera en deuxième partie. Sinon, tout à l'heure, on aura l'occasion d'échanger avec Pascal Girard, qui est de retour dans le merveilleux monde de l'édition BD avec un nouveau titre chez La Pastèque. Ça faisait quand même depuis 2011 qu'on n'avait pas eu le plaisir de se mettre un peu de nouveau Pascal Girard sous les yeux. Alors, ce titre, ça s'appelle La Collectionneuse, avec une amorce quand même assez inopinée, disons-le comme ça. Alors, il est dans une librairie, il voit une jeune fille voler un de ses livres. Il est touché par ce geste. Il veut savoir qui est cette fille et pourquoi a-t-elle volé son livre? Alors voilà, on en discute avec lui tout à l'heure. Sinon, dans l'actualité BD de cette semaine, notamment un peu de rattrapage, en fait, simplement pour vous signaler le décès la semaine dernière d'André Barbe, célèbre dessinateur de presse qui illustrait entre autres le « Je t'aime » de François Cavanna, un autre disparu d'ailleurs de ces dernières semaines. Alors, il avait réalisé quand même quelques bandes dessinées là, au sens strict du terme. Ses dessins, rarement accompagnés de textes, plus souvent noirs et blancs, bénéficiaient d'un trait assez délicat, minutieux, tout en courbe gracieuse. Une carrière discrète où il a produit des dessins d'humour et des illustrations. Il a collaboré quand même à beaucoup de magazines. Qu'on pense à Le Samuel, Pariscope, Art, Harakiri, Satirix, Politique Hebdo, etc., etc., etc., etc. Alors voilà donc une carrière d'illustrateur quand même assez riche pour donc André-François Barbe, qui est décédé le 9 février dernier. Sinon, dans les prix BD, tiens, prix de la BD la plus écolo de l'année, qui revient à l'album d'Alexis Aurélou et Delphine Le B, qui s'appelle le Plug-Off. Alors, c'est les tournesols de la bande dessinée, c'est un prix décerné à l'initiative des Verts du côté de la France qui a décerné donc cette BD, ce prix à cet album qui raconte l'histoire vraie d'un village breton en lutte contre l'installation d'une centrale nucléaire dans les années 1970. Alors en fait, l'an dernier, c'est Les Bidochons sauvent la planète de Binet qui avait remporté ce prix et donc cette année, c'est Plug-Off qui le remplace. Et enfin, autre élément de l'actualité, c'est carrément du rattrapage, puisque c'était à l'horaire en fin d'année dernière et au fil des premières semaines de janvier. Simplement, l'éditeur indépendant suisse Atrabil, qui était à l'époque dans une situation d'affaires assez délicate, une structure qui avançait un chiffre d'affaires en baisse de 50% au premier semestre 2013, comparativement à 2012, alors que même l'année 2012, elle était déjà très mauvaise. Alors, il y avait une association des amis d'Atrabil, la 3, qui, en janvier avait été créée, regroupant une soixantaine de membres. Il faut question de soutenir l'éditeur indépendant et de lui apporter une aide totale d'environ 100 000 francs suisses, donc environ presque un peu plus de 100 000 $ là, donc de l'aide qui avait pu être trouvée auprès de l'État, de la ville de Genève. Il reste pour permettre à l'éditeur de rester à flot, du moins temporairement. Alors, on surveillera évidemment les activités d'Atrabil au fil de l'année 2013, en espérant que la situation se replace positivement pour eux. Alors voilà pour ces clins d'œil. Et sinon, en musique cette semaine, comme à l'habitude, on reste dans le 8-bit, mais un 8-bit quand même relativement ambiant, qui lorgne peut-être un peu aussi vers quelque chose, je dirais, presque un peu rock, à la limite. Alors, on écoute un premier extrait de cet album qui s'appelle War in the Sun, de la formation Ravenstone. Alors, l'extrait qu'on écoute s'appelle Say a Prayer for Seven Bullets. Et voilà, on vient d'entendre donc cet extrait ici à la vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez également nous suivre sur Facebook, donc en cherchant la vie en BD dans l'outil de recherche, ou sinon facebook.com/la vie en BD. Voilà. Alors, tel que mentionné en ouverture, donc retour de Pascal Girard dans l'édition BD après une pause de quelques années qui avait suivi Conventum en 2011. On est bien content de le voir revenir de ce côté avec un titre d'ailleurs fort agréable du côté de La Pastèque. Ça s'appelle La Collectionneuse. Et pour en parler, ben, il est avec nous au bout du fil, Pascal Girard. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, pause de 3 ans, pause nécessaire, recul nécessaire pour vous côté en tant qu'auteur, ou est-ce que c'est un peu circonstanciel tout ça? Un peu des deux. J'avais fait beaucoup de livres un à la suite de l'autre, et je pense que j'étais un peu vidé de l'histoire, donc j'ai fait d'autres choses en même temps aussi, mais j'ai travaillé, ça fait 3 ans de toute façon que je travaille un peu sur ce livre-là à temps perdu, là, mais... l'idée est vraiment venue tout de suite après Conventum. J'avais pas le goût de le dessiner tout de suite. J'ai fait autre chose, mais je l'ai dessiné en 2013, en fait. Et justement, on a l'impression même que dans l'ambiance, dans l'esprit, ça se place bien aussi dans la suite de Conventum, qui était très axée sur le malaise. Et ici, j'ai l'impression qu'on vient un peu peut-être en sortir, en partie du moins, de ce malaise qui imprégnait le Conventum de 2011. Ouais, ben Conventum, c'était beaucoup dans ma tête, c'était vraiment un livre où je voulais me faire rire moi-même. Puis en fait, ce qui me fait rire, c'est beaucoup les malaises. Donc c'est là-dessus que j'avais travaillé. Là, je me suis dit que je vais me concentrer sur autre chose aussi en même temps, mais je garde quand même l'humour qui me fait rire. Donc c'est sûr qu'il y a certains malaises qui restent quand même. Mais pour autant que Conventum, c'était il n'y avait pas de retenue. Non, effectivement, à la fin, on trouvait ça drôle, mais on se sentait désolé aussi pour le Pascal qu'on retrouvait mise en scène là-dedans. Là, c'est... Ah, ouais. Et j'imagine, en fait, parenthèse absolument pas reliée à la collectionneuse, mais quand on s'attaque comme ça, et quand on va aussi, j'ai envie de dire aussi loin, mais avec des guillemets quand même, là, que dans Conventum, dans le malaise, est-ce qu'il y a des gens qui risquent de le prendre un peu au premier degré, de se dire, ben mon Dieu, c'est pas drôle, c'est juste insupportable, intolérable? C'est possible, mais en même temps... l'humour, c'est pas toujours, c'est difficile, hein. On sait pas quand, ce qui fait rire un, c'est pas toujours rire les autres. Et, Je me suis pas trop concentré là-dessus. Pour moi, c'était vraiment, je faisais une comédie. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être trouvé ça insupportable, mais en général, les gens sont assez polis. Ils me disent, c'est pas si important. Ils vont dire, ah, j'ai lu ton livre. Avec un petit sourire. Ouais, non, mais ça va. Je l'accepte aussi. Et en même temps, bon, si on revient à la collectionneuse et son mettre côté Conventum, qu'on recommande d'ailleurs aux auditeurs, si ce n'est déjà fait, d'y jeter un petit coup d'œil. Mais en fait, donc, la prémisse de départ, donc, de la collectionneuse, donc, votre avatar sur papier, découvre, voit au hasard, une lectrice en train de voler une de vos précédentes BD, donc, Jimmy et le Bigfoot, et ouais. Ça lance vers une enquête. D'où est venue un peu l'idée de cette prémisse-là? Ça m'est venu comme ça en librairie. J'étais avec un ami, puis j'ai eu cette idée-là. Je me dis, je me demande comment je réagirais si ça m'arrivait de voir quelqu'un, une fille que je trouve jolie, voler mon livre, ou n'importe qui voler un de mes livres. Puis c'est ça vraiment que l'idée est partie. Puis ça, cette idée-là, je l'ai eue, je pense, au mois de septembre 2010, je pense. Puis j'avais fini Conventum en août 2010. Donc c'est vraiment c'est parti. Il est là, mais je ne sais pas d'où l'idée est venue. J'étais dans une librairie puis j'ai pensé à ça. Oui, puis en même temps, votre personnage le dit. En fait, c'est un peu flatteur d'avoir choisi de voler mon livre, mais pourquoi le voler plutôt que l'acheter? C'est une bonne réflexion, j'imagine, pour un auteur, si on la faisait sérieusement. Là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Oui, ben, je pense que si elle l'achète, j'avais pas d'histoire, donc j'étais obligé de le voler un peu. Après, j'ai travaillé là-dessus. Mais je sais pas, je peux pas dire si j'ai poussé la réflexion là-dessus, je pense que j'aurais été flatté aussi si elle l'achetait, mais le voler, c'est encore plus intéressant aussi. Exactement, mais ça amène une amorce plus stimulante aussi pour le récit, pour la narration, et c'est l'idée de la prémisse aussi, c'est d'amener vers quelque chose, de permettre de développer quelque chose, évidemment. C'est ça. Et parallèlement, à l'intérieur de ça, vous vous mettez une nouvelle fois en scène. Et en fait, je vous avais entendu le mentionner dans quelques entretiens. C'est un peu comme Woody Allen ou Buster Keaton. C'est vous qui jouez dans vos BD, mais vous jouez pas vous-même dans vos BD. Vous jouez votre personnage principal. Ben, en fait, c'est que je pense que c'est juste. J'ai toujours envie de... Quand j'étais jeune, c'est ça, je regardais je pense que Buster Keaton, ça vient de là, parce que quand j'étais jeune, je regardais des films je pense que c'était à Québec, à un moment donné, il y avait un festival avec des films de Charlie Chaplin, Laurel Hardy, tout ça, je me rappelle, ça m'avait marqué où c'était eux qui faisaient leurs films et qui jouaient des personnages, tout ça. Après, c'est juste que je me mets en scène, mais c'est un peu ça, comme un humoriste où, je suis resté avec ça, un peu le personnage qui fait tout, là, puis comme je fais pas de cinéma, ben je me suis dit je suis un peu trop gêné de faire de la scène. J'ai dit je vais faire ça mais dans des livres. Ouais. Et puis, au travers un peu à la façon d'Allen qui a son personnage archétypal un peu de névrosé le reste, mais l'archétype du Pascal Girard sur les pages, c'est un personnage qui est maladroit, qui est timide, qui manque de confiance. Ça devient un moteur comique, j'imagine, en fait, dans la recherche humoristique, justement, d'aller chercher un anti-héros comme celui-là. Ouais, ben, je pense que c'est ça aussi. Après, des fois, je le calme un peu, mais si je le calme trop, je parle ce qui m'intéresse dans la comédie. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu plus anxieux que moi, disons. Et ce que je trouve intéressant avec cet avatar-là sur papier, c'est que j'ai l'impression que dans les premiers albums, il était très plus près de vous, peut-être, un peu, plus ouais. dans l'autobiographique, et que tranquillement, au fil des albums, c'est resté Pascal Girard, mais il s'est distancé de vous. Il est devenu un personnage à part entière. Ah, ouais. C'est vrai, parce que les premières fois que j'avais fait de l'autobiographie qui est un peu plus pure, disons, avec Nicolas quand j'avais commencé, même paresse, mais après, c'est vrai que ça la réflexion c'était à partir du livre précédent, donc la réflexion de ce livre-là c'est fait à partir de Conventum où le personnage était déjà assez loin de moi, donc j'ai comme construit ce personnage-là à partir du personnage précédent, donc c'est vrai que je le fais pas à partir de toujours de ma vie où il y a un mélange des deux, donc ouais. Oui, avec des inspirations, on imagine, du quotidien, des idées, des éléments visuels de votre vie, de la vie des gens qui vous entourent, que vous intégrez dans une trame qui est entièrement fictive. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est plus facile des choses que j'entends, des choses que je vois, c'est plus facile de situer une histoire dans des endroits que je connais que je connais pas. Peut-être que ça pourrait être intéressant aussi de faire plus de recherches là-dessus, mais c'est bien de le situer dans les endroits où j'habite. Oui, puis dans certains cas, en fait, ça amène aussi certains éléments. En fait, je pense à Jimmy le Bigfoot, où je pense que j'avais jamais vraiment vu Saguenay en BD avant cet album-là. Donc, ça permet aussi de porter un regard sur des endroits qui sont pas nécessairement aussi dessinés qui pourraient l'être, là, à la limite. C'est vraiment mon but avec Jimmy le Bigfoot aussi. Mon seul intérêt, ben, l'histoire aussi, mais mon intérêt premier, c'est de dessiner le Saguenay, parce que je me rappelle, je me dis ce que j'aime dans mes livres de Michel Rabagliati, c'est surtout qu'il dessine surtout Montréal, mais il dessine les lieux assez, toute l'attention qu'il met au décor, puis je m'étais dit, je vais faire ça, mais avec Jonquière, parce que personne ne le fait. Et avec la collectionneuse, impression que ça fait écho un peu au quartier du Myland à Montréal. Ben, c'est là que j'habite maintenant, donc c'est pour ça que c'est pour ça que ça se situe là, même si c'est un quartier qui est plus filmé ou dessiné, mais ouais. Donc maintenant, comme j'habite là, j'habitais pour de vrai, j'ai déménagé chez un ami qui habite en haut du Wilensky, là, le restaurant. Où c'est un restaurant, là, on le voit à une place, ils sont assis, ils prennent une bière là, dans le livre. Ben, oui, quand je déménageais à Montréal, je déménageais chez lui, donc j'ai utilisé ça. Oui, on avait cette impression que ça fait écho d'ailleurs au Myland de Michel Hellman, où il y a exactement cette scène-là aussi, où il y a un petit dialogue entre BDistes là-dedans. Là. C'est lui, il est démasqué. Oui, voilà. Vous n'avez pas de secret. Non, il a juste changé son prénom, mais c'est lui. Et tout ça a fait, j'ai l'impression, dans l'amorce de départ aussi, on a un Pascal qui est, comparativement à Conventum aussi, qui essaie d'être très positif, donc vous le démarrez un peu, limite, post-cure d'automotivation. Ça donne aussi d'autres types d'exploration, en fait, d'essayer de voir votre personnage qui essaie de reprendre confiance en lui-même, de reprendre sa vie en main, etc. Ouais, mais ça, c'est la course qui fait. Quand je cours pour de vrai, c'est toujours comme ça. Il y a quand même une sorte de motivateur à l'intérieur qui parle que je le veuille ou non. Là. Quand je cours, c'est dur d'avoir des idées. Il y a toujours un motivateur qui dit ça va bien aller ou OK, là, c'est pour de vrai. Donc, j'ai juste une petite cours-là. Mais ça, c'est pour de vrai, quand je cours. Et en même temps, j'ai l'impression que ça magnifie un peu les moments où justement on retrouve le anti-héros maladroit, comme par exemple, il y a une scène en librairie où votre avatar en fait fait chuter un bébé. Là, c'est la. Ouais. C'est vrai. J'ai jamais fait ça. C'est ça dans le livre. Il y a un bébé qui est bruyant durant un lancement puis il fait chute au bébé là. Et la mère est fâchée donc. Je réussis comme un peu un ressort comique où j'installe le gag que je poursuis un peu plus loin, mais non, j'ai jamais fait ça. C'est, j'imagine toujours un peu le défi d'amener le gag pour le gag, pour la chute, mais en même temps que ce soit, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce souci-là dans la collectionneuse de, oui, il y a le gag initial, mais en même temps d'essayer de le développer, de l'amplifier et justement de renforcer le malaise un peu plus loin à un moment donné, de l'utiliser comme moteur pour d'autres éléments par après. Ouais, oui. Puis je me rappelle qu'au début, quand j'avais écrit à un éditeur, j'avais dit que c'était un livre où il se sépare, c'est comme un policier, puis il y a beaucoup d'enfants, puis il y a beaucoup de bébés qui sont fâchés contre moi. Et j'ai un peu gardé ça. Dans le livre, les relations avec les enfants sont toujours un peu tendues, ou en tout cas, il y a des trucs qui arrivent avec des enfants, mais. Je me rappelle plus, en fait, pourquoi je voulais faire ça. Bon, parce que le personnage vient de se séparer, il est en trentaine, puis les gens ont des enfants autour. Mais j'ai pas trop poussé le thème, c'est vraiment comme un sous-thème autour. Mais tout ça est comme moi, c'est comme un peu des gags avec les enfants. Oui, parce que ce qui domine, c'est un peu deux éléments, le côté comédie romantique, puis le côté aussi un peu plus enquête, un peu dans un certain esprit lorgnant vers le policier. Ouais, ben c'est ça que je voulais faire, un jour de policier. C'est vrai qu'il y a peut-être le côté comédie romantique, mais dès que ça... Je sais pas si j'y réfléchis tant que ça, de ce côté-là, peut-être parce que c'est toujours... Il y a toujours des tensions avec des personnages féminins, souvent, mais je l'ai pas... au départ, parce que quand j'ai commencé le truc, je voulais vraiment faire un policier, mais je sais pas si ça en est vraiment au bout de compte. Sinon, il n'y a pas vraiment de suspense tant que ça, là. C'est... Mais ouais, peut-être ça se transforme plus en comédie romantique ou juste... Je sais pas comment le définir, en fait, quand les gens le demandent. En fait, je m'étais sorti, en fait, une espèce de trois phrases. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Je m'étais dit, en fait, en cherchant le sous-texte, évidemment, de tout ça, que c'est l'histoire d'un homme en perte de repère qui, à travers une fille, à travers une enquête, réussit à retrouver et replacer sa propre trajectoire. C'est beau, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. Oui. Mais ça, j'improvise souvent les livres, donc quand je le construis, moi, c'est bien que les thèmes ressortent, mais vraiment, je réfléchis pas beaucoup. On dirait que je réfléchis. C'est étrange parce que quand je travaille sur le livre, je réfléchis beaucoup au dessin ou sur les positions des personnages. Je redessine souvent des positions ou comment ça pourrait être plus drôle de cette façon-là. Mais puis après, ben, quand on parle des livres, quand le livre est sorti, c'est là que je me rends compte un peu ce que j'ai fait. Là. Mm-hmm. Mais c'est souvent un peu les mêmes thèmes, hein, je pense, d'un livre à l'autre. C'est dur d'y échapper. Mais oui, c'est vrai, c'est bien. Et en même temps, ça veut dire que côté planification, côté création, il y a quand même un côté très, très instinctif dans la construction du scénario de l'intrigue? Oui, sinon, je ne suis pas certain que je le ferais si je terminerais un livre, j'avais déjà tout mon scénario au départ. J'ai toujours, où ça change, j'ai quand même une feuille de route, je vois un peu où je m'en vais, mais en général, des fois, en plein milieu, je vais me tendre un piège où je vais changer complètement le truc, puis je suis obligé d'aller ailleurs. Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. C'est un peu difficile, je trouve, de tout planifier à l'avance. Oui, ça permet de se laisser surprendre avec des personnages, par exemple, qu'on finalement prennent une importance plus grande ou des intrigues qu'on met de côté pour en développer d'autres. Et est-ce que ça force, par contre, des fois aussi inversement, de dire, OK, là, je m'en vais vers quelque chose d'autre, mais il faut que je retourne en arrière pour refaire finalement parce que ça marche plus? Ou... Ah oui, je redessine souvent... J'ai toujours deux, trois versions. Je finis une version, puis après, je vais revenir, puis je vais changer souvent des moments. Je vais ajouter des pages. Je vais souvent changer la fin. Je sais pas quand j'ai l'habitude de finir mes livres, donc je retravaille souvent la fin. Ça arrive souvent, mais ça fait partie du... Pour moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je sais pas comment je pourrais arriver à la page finale, puis me dire, tiens, c'est fini. Page 1, je redessine toujours... Un bon deux tiers du livre. Et en même temps, côté dessin, d'ailleurs, Pascal Girard, j'ai l'impression qu'en fait, on a grandi aux côtés de vous qui grandissiez comme dessinateur, en fait, de Nicolas jusqu'à la collectionneuse, que le trait est de plus en plus sûr, de plus en plus net, de plus en plus clair. Ben ouais, je pense que quand j'ai commencé Nicolas, je dessinais pas vraiment. Donc, j'ai pas trop... au plus simple, puis j'essayais de faire avec ce que j'avais. Puis tranquillement, ben, ça se construit. Je trouve que le processus est assez intéressant de voir d'un dessin à l'autre ou d'une année à l'autre le dessin évoluer. C'est intéressant pour quand je vais avoir 75 ans, si je continue à dessiner, où ça va être rendu, mais c'est vrai que ça on voit on n'est jamais satisfait, pour beaucoup, mais moi je suis jamais satisfait, mais quand je regarde comme des dessins de 2008, des dessins d'aujourd'hui, je me dis, il y a quand même un chemin qui est fait depuis ce temps-là. Et est-ce qu'on risque d'attendre encore 3 ans pour un prochain album ou on se donne un horaire un peu plus serré pour le prochain? Je sais pas. J'ai pas d'horaire. Je viens de terminer la version anglophone, là, le lettrage, tout ça. Ça sort au mois de mai, puis je suis en train de travailler sur une histoire courte pour quelque chose, mais j'ai pas réfléchi à un autre livre tout de suite. Je dessine beaucoup ce temps-ci comme ça pour le plaisir. J'espère que ce ne sera pas 3 ans, mais je peux pas dire. On suivra ça quand ça viendra, comme on dit. Mais d'ici là, de toute façon, on peut se mettre sous la main. Donc, La collectionneuse, ce nouvel album de Pascal Girard qui est chez La Pastèque. Pascal, merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Merci, bonne soirée. Alors voilà, donc, je rappelle Pascal Girard qui vient d'offrir donc un livre du côté de La Pastèque. Je rappelle le titre, c'est La collectionneuse. Et nous, on repart avec un petit extrait musical, toujours ici à CKRL. We'll be right back. Alors, vous l'avez peut-être remarqué dans l'horaire des activités BD de la capitale, une grosse semaine qui s'en vient côté Impro BD. La Ligue québécoise d'Impro BD qui présente un match dimanche 20h, donc dimanche le 23 février, du côté du Cercle, donc match de saison classique, auquel, comme à l'habitude, j'ai toujours le plaisir de participer. Et également, du côté de la Ligue BD, on a conceptualisé aussi un spectacle qui s'appelle Improvise-moi une BD, qui lui est présenté le vendredi 28 février. C'est au Studio P, avec un léger coup à l'entrée. Donc, un concept dont on vous avait déjà parlé dans le passé, notamment dans les collaborations entre le Festival de la bande dessinée francophone de Québec et Lyon BD. Donc, un concept qui est plus basé sur la création d'une longue histoire en collaboration avec le public plutôt que de courtes histoires, comme on voit dans les matchs d'impro BD réguliers. Et pour présenter un peu le concept, j'avais eu l'occasion il y a quelques temps d'en discuter, d'échanger avec deux des joueuses qui ont participé dans le passé à ce concept-là. Donc, question de nous l'étayer un peu. Donc, Tania Beaumont et Valérie Morancy, donc improvisatrice et dessinatrice respectivement. Et je leur ai demandé justement de présenter ce qu'est le concept d'Improvise-moi une BD. Improvise-moi une BD, le nom en dit déjà beaucoup. On va improviser une BD, mais on fait pas ça seul. Il y a les dessinateurs qui sont mis à profit, également les comédiens qui vont faire la partie improvisation, mais c'est vraiment le public qui décide qu'est-ce qu'il veut voir. Alors, dans un premier temps, dans ce concept-là, on commence par décider le lieu, le style de la bande dessinée, un petit peu l'histoire et les personnages. Et c'est vraiment le public qui va voter et qui va décider à travers des propositions qui seront déjà données par le maître de jeu. De temps en temps, c'est les dessinateurs qui vont donner l'avant-goût d'un personnage. D'autres fois, ce sera les comédiens. Et le public a finalement la décision finale. Et par la suite, on y va pour le récit. Et le défi, justement, c'est de développer ce récit-là dans la mesure où, avec le public, donc, il y a construction au fil de la première demi-heure, disons, donc de ces personnages, des éléments. Et ensuite, il y a le défi de faire vivre les éléments qu'on a mis en place dans la première partie, donc un peu à la façon des pièces d'un puzzle. Donc, on a les pièces en premier temps, il faut inventer le casse-tête dans le deuxième temps. Alors, j'aurais demandé, justement, à Valérie Morancy et Tania Beaumont, c'était quoi un peu peut-être le défi particulier lié à cette idée de faire vivre un personnage, encore dans la mesure aussi où faut se donner un personnage qui est en mesure d'être mis de l'avant pendant 45 minutes également. Alors voilà leur réponse. Je pense qu'on peut même citer un exemple qu'on a vu, entre autres, à Lyon, où les improvisateurs français, les dessinateurs faisaient aussi le concept. On est allé d'un dessin où l'adjuvant, finalement, allait être un cul de jatte. Et c'est drôle. Le public a trouvé ça hilarant et ils ont voté. Mais il a fallu traîner le personnage tout le long. Pendant les 45 minutes. Et le pauvre improvisateur qui a été pris pour faire ça pendant 45 minutes. Et ça devient vraiment très difficile d'apporter des éléments à l'histoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est conscient aussi, tant les improvisateurs que les dessinateurs de ça, finalement, que ces personnages-là vont devoir vivre aussi et avoir leur place dans l'histoire. Oui, puis c'est ça, en tant que dessinateur aussi ou BDiste, il faut vraiment qu'on pense à long terme par rapport aux personnages, contrairement à ce qu'on fait justement à l'équibédé où qu'il faut inventer, par exemple, un personnage en dedans de 30 secondes. Mais là, tu le crées pendant une minute, mais après, il faut que tu penses à la suite de l'histoire carrément. Là, fait que là, tu es plus intégré, je pense, au niveau scénaristique de l'impro. Alors donc, un défi différent pour les joueurs, c'est ce qui en ressort et c'est ce qu'on aura l'occasion de voir, quelle manière les joueurs et joueuses vont s'en sortir vendredi le 28 février. Et les gens qu'on va voir sur scène, c'est des gens qui sont associés donc à la Ligue québécoise d'impro BD. Donc il y a 5 comédiens, donc Philippe Perrault, Ariane Guénette-Mingui, François Anger, Guillaume Plante et Cathy Lessard. Il y a 3 dessinateurs, donc Bach, André Gagnon et Val Morancy, avec des musiciens. 3 musiciens, en fait. Donc, ça serait intéressant de voir, évidemment, comment ça va s'exprimer, mais ça ramène peut-être à la question que vous avez en tête, que j'avais en tête lorsque je les ai rencontrés. C'est à savoir, est-ce que la préparation devient différente, donc, versus quand on travaille avec la Ligue québécoise d'impro BD dans un match standard, comparativement à la façon dont on aborde un spectacle comme Improvise-moi une BD? Avant, je te dirais, je prenais plus le temps de me préparer, mais là, c'est vraiment un show d'impro, fait que même nous, on sait pas vers quoi ça va s'en aller, là. Puis j'ai vraiment hâte de participer encore vendredi prochain, parce que c'est ça le fun, dans le fond, de participer à ce genre de projet-là, c'est que tu crées un personnage, après, tu sais pas tout où qui va aller, qu'est-ce qui va devenir, ou encore qu'est-ce que son caractère va être. Oui. Carrément le plaisir du sans-filet. Fait que pour moi, il n'y a pas vraiment de préparation, puis c'est la petite adrénaline de la chose que j'aime vraiment beaucoup aussi. Là. Et je pense que la seule préparation qu'on peut avoir, c'est d'être prêt à tout. Exact. D'être prêt carrément. À tout faire. Je reviens avec l'exemple du cul de jatte parce que ce personnage d'improvisateur-là s'est dit, bon, OK, c'est moi qui vais improviser le dessin. Il n'a pas vu le dessin. Et il a été pris pendant une heure de temps avec ça. Donc, faut vraiment être prêt à tout. Faut être prêt à se mettre au profit de l'histoire aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. Ne pas vouloir tirer son épingle du jeu pour aller faire rire ou avoir des réactions, mais vraiment être au profit de cette histoire-là. Je pense que c'est la seule préparation mentale qu'on peut se faire parce qu'après, c'est de l'improvisation. Et évidemment, ça donne une expérience côté spectacle pour les joueurs comme pour les spectateurs qui est assez différente de l'impro BD. Donc, entre le match de dimanche 23 et le match de vendredi 28 et la soirée de vendredi 28. Alors, versus l'impro BD, justement, quel regard on porte entre l'un et l'autre? Donc, dernière question que j'ai lancée aux deux joueuses. Je trouve ça beaucoup plus essoufflant. À la fin, il me semble que c'est plus fatigant parce que, contrairement à un match d'impro BD où chaque histoire est séparée, par exemple, s'il y a un seul comédien, on n'est pas sollicité nécessairement à y aller. On va être plus relayé au plan de spectateur. Alors que là, en tout temps, pendant l'heure et demie du spectacle, on est sollicité, on doit être là, on doit être présent, on doit être actif, on doit être alerte. Donc, il y a ça à la fin qui fait que c'est peut-être un peu plus essoufflant, un peu plus fatigant aussi. Par exemple, on a le sentiment du devoir accompli, encore là, versus l'impro BD. Ce n'est que des petites histoires. Là, on a vraiment bâti quelque chose. Ouais. Ben moi, j'ai tendance à m'attacher au personnage. Oui, c'est juste, c'est juste une heure ouais. Comparativement au, deux heures environ, une heure et demie, comparativement au match de BD. Mais les matchs de l'équipe BD, c'est qu'il faut se dépêcher. On tourne la page rapidement. On tourne la page rapidement, puis là, on s'attache vraiment au personnage, puis on se demande vraiment ce qui va se passer là, pendant la suite de la soirée. Alors, ça donne un petit avant-goût de ce qui vous est réservé, donc, vendredi prochain. Alors, évidemment, si vous voulez avoir un peu plus d'informations là-dessus, vous pouvez aller sur les différents sites liés à la Liki BD, liés au festival aussi de la bande dessinée francophone de Québec, donc fbdfq.com, donc sur le Facebook de la Liki BD, donc je pense que c'est facebook.com/LikiBD, tout simplement. Et dans ces différents endroits, vous avez aussi un lien vers les billets qui sont disponibles en pré-vente, qui seront également en pré-vente au match du 23. Alors, ça fait quand même pas mal de dates à retenir. Donc, essentiellement, le match régulier dimanche 23 et le match spécial la soirée Improvise-moi une BD vendredi 28 février. Alors, voilà pour ce clin d'œil. On repart en petite pause à venir ici à La Vie en BD. Ben, on échange avec Diane Obomsawin. La Corrigan, une brasserie artisanale qui fait des publicités artisanales. Les houblons dorés donnent Pierre la Corrigane un arôme et un goût céleste. Une expérience sensorielle totalement émouvante. Corrigane, je t'aime. La Corrigane, 380 rue Dorchester, Québec. Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, art électronique, installations robotiques, sonores et interactives, cabaret multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. Je suis shooter. Je suis blacklight. Je suis danse lascive. Je suis 100 décibels. Je suis périmé dans 6 mois. Je dure 2 semaines. Je suis fini dans 3 mois. Je ne suis plus valide dans 1 mois. Je suis désuet dans 120 jours. Je suis brisé dans 3 jours. Je suis dans le monde de la pub. La nature a horreur du vide. Une création définissante du Conservatoire d'art dramatique de Québec du 23 février au 2 mars. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Dimanche 23 février 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est, rouge contre bleu. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec, 1355 3e avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur le 89.1 CKRL. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et je le disais d'entrée de jeu, donc il y a des gens qui ont un mois de février et voire un printemps quand même assez bien rempli. C'est le cas de Diane Obomsawin qui, d'un côté, ici à Québec, offre une installation à la bande vidéo jusqu'au 16 mars, une installation qui s'appelle La Forêt, qui est lancée chez Drawn and Quarterly autour du 14 février, donc un livre qui s'appelle Unloving Women, un livre qui verra sa version française publiée, elle, du côté d'avril à Loi de Cravanne sous le titre « J'aime les femmes ». Et on tenait justement à échanger sur ces différents projets avec elle. On a le plaisir de l'avoir avec nous au bout du fil. Diane Obomsawin, bonjour. Oui, salut, bonjour. Et peut-être commençons avec l'installation vidéo. Tiens, installation avec trois projections d'animation d'à peu près 5-8 minutes projetées en boucle qui représentent une forêt ensorcelée, enchantée. J'aimerais peut-être t'entendre nous présenter un peu la forêt que tu nous proposes en plein cœur du centre-ville ici à Québec. Oui, alors c'est une forêt projetée sur trois murs, trois forêts différentes mais qui font partie de la même forêt dans le fond. Et puis il y a une forêt qui représente une grande forêt, un peu une forêt du genre Colombie-Britannique avec des grands arbres. En fait, j'ai mis un peu de temps avant de trouver la grande forêt. Au début, je dessinais, puis ça ressemblait à une petite forêt à l'orée de l'autoroute. Puis finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des personnages tout petits. Donc, ça donne une impression de vastitude. Donc, c'est une grande forêt. Il y a celle-là où il y a une forêt qui abrite quelques mythologies connues, puis d'autres moins connues, puis des petites choses un petit peu de l'inconscient qu'on pense connaître ou qu'on. Enfin, moi, je me suis un peu laissée aller, mais je pense que on reconnaît quelque chose qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Mmh. Ensuite, il y a une forêt qui représente il y a un lac dans cette forêt donc et puis il y a Narcisse qui se contemple dans l'eau du lac pendant 5 minutes 30 et puis ça finalement Narcisse j'ai pas vraiment réussi à bien le dessiner ça m'énervait un peu comment le dessiner. Finalement j'ai fait un ours blanc qui se regarde, ça marche très très bien. Mm-hmm. Et il y a un ours qui danse aussi, et puis, mais tout ça, ça arrive par apparition, sauf pour Narcisse qui se regarde tout le long. Il y a un petit ours qui sonne les cloches, un peu comme un moine qui se laisse emporter par la cloche. Tout ça encore comme une apparition. Et en face de, au centre, en fait, c'est une caverne. Ouais. C'est une grotte. En fait, au départ, je voulais faire une grotte dans la forêt. Et puis faire apparaître des choses qui ressortent de la grotte. Mais finalement, j'ai trouvé plus beau qu'on soit à l'intérieur de la grotte. Visuellement, c'est comme noir avec une percée vers la lumière. Et là, toutes sortes de choses aussi peuvent apparaître à l'extérieur ou à l'intérieur de la grotte. Oui, en fait, parce que tout ça, nous, on est un peu au centre de ces trois écrans-là et on est sollicité un peu de partout. Il y a beaucoup de choses qui se passent, oui. Beaucoup de clins d'œil. Donc, c'est ce genre de situation où il faut regarder un peu de tous les côtés. Oui, ou essayer c'est ça. De vraiment se concentrer sur un écran pour vraiment en capter le maximum. Là. Oui, absolument. Alors, c'est ce que je voulais faire, c'est que pendant qu'on regarde à droite, hop, il y a un petit craquement de branche. À gauche, là, on tourne la tête. Ah, il y a un petit quelque chose. Non, il n'y a pas. Non, hop, là, on regarde encore à droite. Là, il se passe quelque chose en face, oui. Des fois, il ne se passe rien. Jouer un petit peu avec le timing, le temps. Un peu comme quand on est en forêt où, bon, on est là, on est émerveillé, puis des choses peuvent apparaître. Il y a à peu près deux choses qu'on ne voit jamais du premier coup. Mm-hmm. Des grenouilles qui jouent de la mandoline, qui apparaissent vraiment vite. Et puis un fou de bassin qui vient pêcher un poisson. Je peux peut-être parler de pourquoi j'ai fait ça? Oui. Oui. Mon influence, ça vient d'un film de Kurosawa qui s'appelle Rêve, qui est divisé en plusieurs rêves que lui a fait en court-métrage. Le premier rêve, c'est l'histoire d'un petit garçon qui aime aller dans la forêt rouge qui existe réellement au Japon, une grande forêt. Et sa mère lui dit « Va pas dans la forêt aujourd'hui, mon chéri, c'est le jour du mariage des renards et quand il pleut, quand il pleut, c'est le jour du mariage des renards et ils aiment pas être dérangés. » Et le petit garçon va quand même dans la forêt. Il se cache derrière un arbre et puis il observe une procession de super belle d'une marche de renards, tout habillé en kimono avec des visages maquillés en renard. Mmh. Et puis, bien sûr, le petit garçon n'est pas supposé être là. Et les renards l'entendent avec encore un petit craque, comme peut-être un bruissement, un craquement de branches. La tête des renards se retourne vers la droite, mais un peu comme chorégraphié. C'est vraiment très beau. Alors, c'est un peu comme le garçon n'est pas supposé être là. Les renards savent qu'il est là, lui permettent en quelque sorte d'être là. Donc, un peu comme si votre forêt permettait à la personne qui est à la bande vidéo d'observer. On nous donne le droit de pénétrer dans cet univers mythologique-là. Oui, c'est ça. Puis je voulais un peu faire comme si le spectateur était cet enfant-là qui était là, pas vraiment supposé être là, mais quand même bien accueilli dans un sens. Oui, puis j'ai l'impression, en fait, qu'il y a un peu deux types aussi de créatures. Il y a celles en couleur, peut-être un peu plus enjouées. Il y a d'autres aussi, par moments, des apparitions peut-être un peu plus fantomatiques, des grandes ombres d'animaux qui sortent un peu de la dimension bon enfant, si on peut dire. Oui. Il y a peut-être un côté un peu épeurant, des fois, mais presque, mais pas tout à fait. Mm-hmm. Puis j'avais en tête une phrase de Rilke qui dit... Nos démons sont peut-être des princesses qui attendent de nous que nous soyons forts et courageux. Donc c'est un peu ça que je voulais toucher, comme on a des peurs, mais elles sont pas nécessairement fondées, sont pas toujours fondées. En tous les cas, pas dans cette forêt là, mais on y touche un peu quand même à la peur et à l'inconnu et tout ça là. Oui, dans la mesure aussi où la forêt et ces ombres-là sont plus en gris, en noir, donc versus d'autres créatures ou des éléments de décor qui, elles, sont en couleur, qui viennent peut-être en ressortir ou être mises en exergue à travers ce choix-là. Est-ce que c'est un peu ça qui a guidé aussi l'organisation, la conception visuelle, si on peut dire, des différents éléments, puis de la forêt en elle-même? J'y ai pas vraiment pensé. Mais il est apparu quand même que la forêt avec les grands arbres est un petit peu plus sombre, mm-hmm. un petit peu plus mystérieuse, un peu plus obscure. La forêt avec le lac, elle, est, à cause que, il y a moins d'arbres, du coup, à cause qu'il y a un lac, donc le soleil apparaît plus, les couleurs sont un peu plus... c'est pas qu'il y a beaucoup de couleurs, mais il y a déjà le bleu du lac. On dirait qu'il y a plus de ciel, c'est comme on respire un petit peu plus. Puis la caverne, naturellement, est assez sombre. Puis en même temps, elle rappelle la galerie qui a été repeinte en gris charcoal, qui est toute petite et qui elle-même est un peu une petite caverne. Oui, en fait, c'est un peu une ambiance immersive, presque, à cause de la petitesse, de l'étroitesse de l'espace de la bande vidéo. Oui, ça joue beaucoup en faveur de l'installation, j'ai trouvé. Et c'est quelque chose, en fait, c'est la deuxième fois à Québec qu'il y avait eu la manif d'art aussi, on t'avait vu justement avec une installation de trois films, donc c'est un peu dans la continuité de ça, l'exploration de la bande vidéo? Oui, tout à fait, mais c'est parce que c'est la première fois que j'explore cet univers d'installation, parce que d'habitude je viens du film d'animation où je fais des films qui ont une certaine durée, puis on s'assoit, on regarde le film, on s'en va. Et généralement, dans les films, il y a toujours un peu une notion de temps, de résolution, de début, de fin, alors que là, dans une installation, c'est totalement intemporel. On peut arriver n'importe quand et il n'y a aucune résolution. Tout est ouvert. Et c'est grâce à Nicole Gingras, commissaire Nicole Gingras, qui m'a invité à la manif d'art, que j'ai pu explorer cette nouvelle façon de m'exprimer. En fait, c'est comme la même démarche graphique, d'une certaine façon, oui. Mais qui peut s'exprimer dans des nouveaux supports, puis avec un objectif qui n'est pas le même. En fait, on n'est pas dans la narration, on est plus dans l'ambiance, dans la proposition, dans une autre forme de suggestion, peut-être. Exactement. Et oui, c'est exactement ça. C'est plus comme un poème, peut-être, qu'une histoire racontée. Mais il y a une histoire racontée, mais l'ambiance générale, c'est peut-être plus comme un poème. Mm-hmm. Oui, parce qu'effectivement, il y a quand même quelque chose qui se passe dans cette forêt. On sent que ça grouille peut-être pour une raison. Et ça nous amène quand même vers, je dirais pas une finalité, mais un certain paroxysme à un moment. Oui, avec la... Est-ce que tu penses à la chanson? Oui, exactement. Oui, c'est des petits sapins qui chantent une chanson d'amour en allemand. En fait, ça vient d'une peine d'amour que j'avais eue il y a 4 ans. Puis je voulais faire un film d'animation... vraiment pour enfoncer le clou là sur les peines d'amour. Puis j'ai fait des recherches sur toutes sortes de chansons à la Edith Piaf. Puis je suis tombée sur un groupe qui s'appelle Harmonies Comédiennes, que j'ai adoré. Et donc ils chantent une chanson de peine d'amour. Puis finalement je l'ai pas fait ce film-là, mais j'ai pensé que ça pourrait être beau de faire chanter des petits sapins avec cette chanson-là de peine d'amour. Et en même temps, Diane Obomsawin, en fait, tu m'ouvres la porte en mentionnant la notion de peine d'amour, d'amour en général, oui. Vers l'autre sujet de ta présence sur notre antenne aujourd'hui, qui est ce livre « Unloving Woman » chez Drawn and Quarterly. Oui. Une collection, dans le fond, de courtes histoires sur les premières fois, les premiers amours, sur l'identité sexuelle aussi. Oui. Un livre quand même assez personnel, très personnel même. Oui. Alors, le déclencheur de ce livre, c'est il y en a eu deux. À un moment donné, j'ai pris conscience que depuis l'âge de 7 ans, j'avais toujours quelqu'un en tête. J'étais toujours amoureuse de quelqu'un ou je pensais à quelqu'un. Puis j'ai réalisé que c'était même totalement inconscient quand j'étais jeune. Puis je choisissais des filles et je déménageais 14 fois, 14 écoles différentes. Et la première chose que je faisais, c'est choisir avec qui j'allais tomber en amour. Et donc ça, il y avait ça comme un peu comme départ avec une prise de conscience. Mais il y a aussi la lecture d'un livre de Michel Tremblay, un des livres des chroniques du plateau Mont-Royal, mais je m'en rappelle plus exactement le livre. Mais là, il raconte que à l'âge de 16 ans, soudainement, il a pris conscience que à chaque fois qu'il voyait un couple sur une page couverture d'un magazine ou au cinéma, chaque fois qu'il voyait un couple qui s'embrassait, il s'identifiait à la femme. Il se mettait dans la position de recevoir le baiser de l'homme. Et d'un seul coup, il a pris conscience de ça et de son orientation sexuelle, alors qu'avant, c'était comme inconscient. Donc moi, ce que j'ai eu envie, c'est de... J'ai posé cette question. J'ai eu envie de savoir mes amis jusqu'à quelle ancienne mémoire ça remontait le premier désir pour une fille ou pour une femme. Et puis, en introduction, je leur ai raconté cette histoire de Michel Tremblay. Pour certaines femmes, pour la plupart, il y avait des attirances inconscientes ou semi-conscientes. Mais pour une amie, ça s'est pas produit comme ça. Ça s'est passé le jour même. Le jour même, elle n'avait même pas d'attirance avant. Et puis, le jour même, elle a quitté l'université. Elle a pris de l'acide et elle est tombée en amour avec une femme. Tout ça s'est passé dans une journée. Donc ça, c'est l'histoire de Maxime qu'on retrouve dans ma bande dessinée. Donc j'ai interviewé mes amis, puis des amis d'amis également, qui avaient confiance en moi parce que j'ai un style, je voulais comme, en fait, je voulais que ce soit relativement facile pour moi, que je sois pas obligée de tout le temps leur montrer, puis avoir leur approbation. Mmh. Donc, non, ça s'est bien passé. Ils m'ont dit non, nous on te fait complètement confiance. Puis j'ai été très très touchée par la générosité avec laquelle elles se sont livrées, puis je m'attendais pas à ce que... Je pensais que ça allait être... Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une part de tristesse qui venait avec ça aussi. Un peu un regard dans le passé, qui est, dans lequel il y a une certaine nostalgie, dans lequel il y a... Ben, ça vient avec des peines d'amour, alors... C'est ça. Alors, bon, c'est sûr que... C'est sûr que bon, c'est des souvenirs qui peuvent être pas juste joyeux, mais en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que la première personne que j'ai interviewée, c'est une femme qui aime bien parler, puis j'ai allumé mon enregistreuse et elle a parlé pendant 2 heures. Puis après, elle m'a dit qu'elle était hyper déprimée pendant les jours précédents. Alors là, après ça, j'ai fait, ben, parce que ça prenait toutes sortes de directions, puis ça l'a un peu fatigué. Ensuite, après ça, j'ai beaucoup mieux dirigé mes interviews. J'ai demandé à mes amis de me raconter des histoires, mais de pas prendre plus de 15 à 20 minutes. Mm-hmm. Donc, mais j'étais étonnée de voir que quand même, en 15, 20 minutes, il y a tous les sens de ce que je voulais faire étaient là, puis il y avait plein de merveilleuses choses qui se sont racontées. Oui, puis en même temps, tout ça aussi présenté sur les planches, dans un style quand même assez direct. Enfin, on va directement au fait dans la narration. Oui. Puis en même temps, dans un style aussi très, très lié, j'avais l'impression, au journal intime, d'une certaine manière. Oui, oui, effectivement. Oui, c'est ça. J'ai choisi aussi de mettre les personnages de les faire comme des animaux. Bon, parce que aussi ça rendait la chose plus douce, dans le sens bon, tout le monde aime les animaux, puis c'est comme une partie de nous qui est mettons le petit animal qu'on a là, où c'est des bouddhistes, on appellerait ça la nature bouddha, c'est un moi intelligent, c'est peut-être pour garder ça que j'ai fait les personnages en animal. Puis ça adoucit un petit peu aussi. Oui, parce que sur certaines scènes, en fait, quand on parle par exemple d'identité sexuelle, de sexualité, d'amour, où on fait l'amour et le reste, ben ça garde peut-être un peu dans l'innocence. Ça, exactement, c'est ça, oui. Et donc ça devenait un peu nécessaire pour préserver peut-être un peu, ou pour donner le caractère, l'ambiance justement du livre, de garder ça sur un regard avec ce focus-là, avec cet esprit-là. Oui. Ça devenait nécessaire d'aller avec des personnages anthropomorphiques. Oui, tout à fait. Puis aussi pour que les personnes qui se sont livrées soient... J'avais envie de leur... elles m'ont donné quelque chose, j'avais envie de leur redonner avec elles étaient contentes de se voir attribuer un petit animal, autrement dit, et puis elles étaient très très contentes du résultat final, et elles m'ont dit aussi qu'elles se reconnaissaient complètement dans les histoires, mais avec le fait que ce soit un animal, il y a un petit quelque chose en plus, si on veut. Et parallèlement, tout ça qui rentre dans un sujet qui est quand même très présent dans l'actualité. Bon, surtout, on parle de la version anglaise, mais évidemment, aux États-Unis, il se passe pas mal de trucs. Oui. En français, il s'en passe aussi en Europe, ici. Oui. Mais en même temps, sans non plus faire référence au contexte politique, au contexte social plus large que les histoires elles-mêmes. Donc, on fait parler l'histoire, et c'est le lecteur qui fait référence ensuite, peut-être, j'imagine, au concept, au contexte de l'époque, au contexte d'aujourd'hui. Oui, ou alors à sa propre... à sa propre histoire. Et comme ça, c'est venu naturellement, certaines amies ont plutôt parlé, par exemple, de la difficulté dans la famille. Alors là, il y a la problématique d'être accepté par la famille. D'autres ont parlé de la difficulté par rapport à la société, surtout mes amies qui ont peut-être 60 ans maintenant, qui, à l'époque, était vraiment seule au monde quand elle devenait homosexuelle. Il n'y avait aucune référence. En plus, c'était criminel. Ça a été décriminalisé en 1972, simplement, par une loi. Donc, elle m'a parlé, elle a apporté à l'album cet aspect social de la chose. J'ai aussi interviewé des femmes de plusieurs âges pour avoir des réalités différentes, de 30 à 70 ans dans le fond. Il a failli avoir une jeune femme de 20 ans, mais finalement, on n'a pas eu le temps de le faire, mais j'aurais aimé même élargir encore plus, et aussi peut-être éventuellement questionner des femmes de d'autres pays aussi pour avoir une autre réalité. Et peut-être pour une suite? Oui, effectivement. Alors, en fait, je le rappelle, le livre s'appelle « Unloving Women », donc c'est chez Drawn & Quarterly, présentement, version française « J'aime les femmes » qui non, va arriver. Non, attends, excuse-moi, en oui. Version française? Oui. C'est « J'aime les filles », comme les filles, la chanson de Jacques Dutronc. Donc, qui, elle, arrive autour d'avril chez Loi de Cravane. Oui. Et il y a l'installation vidéo aussi à Québec jusqu'au 16 mars à la bande vidéo sur la côte d'Abraham. Oui. Ah ben voilà. Diane Obomsawin, merci beaucoup de nous avoir rejoints cette semaine. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Puis on se dit au plaisir. À bientôt. À bientôt. Au plaisir. Oui. Bye. Bye-bye. Alors voilà donc Diane Obomsawin, auteur, cinéaste, bédéiste, qu'on avait le plaisir de recevoir. Et nous, c'est ainsi qu'on se dirige vers la conclusion de l'émission de cette semaine. Évidemment, je vous rappelle les blogs où vous pouvez nous trouver, donc les balados-diffusions, lavieenbd.wordpress.com, mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Et je vous dis évidemment que c'est un plaisir de vous revoir la semaine prochaine en vous laissant dans quelques instants entre les bonnes mains de Jean-Sébastien Grondin et l'émission Soul Finger. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. C'est un plaisir d'être avec vous et passez une excellente fin de semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.